Salut à tous et bienvenue sur Not Your Fan pour la rubrique copie non conforme, avec 5 covers et leur version originale que je vous propose de découvrir tout de suite. Pour ce 14e épisode de copie non conforme, les grenoblois de Big Ukulele Syndicate nous interprètent Take On Me de A-ha, hit de 1985. Thank you. copie non conforme. Get Lucky de Daft Punk est repris délicatement par la voix féminine du groupe Daughter en version live à la BBC. Your gift keeps on giving. legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Conforme. C'est maintenant au tour de l'homme orchestre montpelliérain Jacob Wild de nous jouer le titre des Black Keys, Till I Get My Way. Thank you. L'aventurier d'Indochine nous est chanté dans un français parfait par les Américains de Nada Surf. De l'ombre jaune. sauvant le vrai héros. Dérivant à bord du Saint-Paul, l'aventurier au parfum divin. copie non conforme. Et pour terminer cet épisode de copie non conforme, les Russes de Leningrad Cowboys nous reprennent Give Me All Your Lovin' de ZZ Top en live avec la participation du chœur de l'Armée Rouge. So sweet. vous a plu. Alors rendez-vous le mois prochain pour la suite des copies non conformes. Salut!